sais que je n'ai pas toujours été attentif à ce que tu désirais sans réaliser que de moi tu t'éloignais. Toutes les larmes que tu as versées, les souffrances que je t'ai infligées, si je pouvais, je les effacerais. Je ferais tout ce que tu voudras, je te jure, de changer rien que pour toi. Je ne pourrais pas vivre sans toi. J'inventerai des mots qui n'existent pas pour te dire combien tu comptes pour moi. Ne me laisse pas, car je ne pourrais vivre sans toi. Sans au moins t'en fous un bateau qui s'envoile, une journée sans soleil, une nuit sans étoiles. Parce que me connais, sans au moins pas en rien. Moi connais, moi fais un mal, c'est vrai. Et nous pas qu'à changer le passé. Chéri, bon, moi chance, moi. Mon pour j'aime les. Je ferai tout ce que tu voudras, je te jure. Pour changer rien que pour toi. Ne me laisse pas, car je ne pourrai vivre sans toi. Je ne pourrai vivre sans toi. Show.